I love what you're doing, Neo. Tenter. dormir sans souci, qui dorment sans souci, qui sont ces gens qui sont endormis, ceux qui dorment sans souci, sont ces gens qui sont ces gens endormis, qui sont ces gens qui s'endorment à présent. Thank you.

Thank you. noise. Rain darts and night and dark with a noise. I'll be numb for the rest of the day. It was too much. I'll be numb. Glass. Yo, you got those drums. Should get up early to shoot it down to make a start. falls in my sleep. I'm waiting for t'as des gens, c'est pas pareil. Et ça me fout la cervelle. Et j'ai plus envie de montrer, pas envie d'écouter. Mais quand y'a des gens, et là c'est des mains. Il est de plus en plus difficile de prendre le temps et le genre. Quand y'a du son. De bons moments pourtant. Bonne année, Jay. Welcome.